franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère de bois. Israël Kastner a-t-il oublié cet adage lorsqu'il a négocié avec le nazi Adolf Eichmann pour arracher à la mort quelques milliers de juifs hongrois contre monnaie sonnante et trébuchante? Bref, en prenant le risque d'aller rencontrer le technicien en chef de la solution finale, ce journaliste n'est-il pas devenu un collabo? C'est en tout cas la terrible accusation qui a été portée contre lui plusieurs années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que Kastner avait gagné la Palestine où les sionistes venaient de créer l'État hébreu. Une accusation qui a brisé la vie de cet homme entreprenant qui pensait être accueilli en héros dans sa nouvelle patrie et occupait déjà d'importantes fonctions au sein du parti au pouvoir. Une vie brisée, au sens propre comme au sens figuré. En 1957, Israël Kastner est tombé sous les balles d'un assassin extrémiste. La semaine passée, M. X nous a raconté comment Kastner, responsable d'une association d'aide et de secours aux Juifs hongrois ou à ceux réfugiés en Hongrie, a osé prendre langue avec Eichmann quand les troupes nazies ont déferlé sur le pays au printemps 1944. Et contre toute attente, il a réussi à arracher des Juifs à la machine de mort en achetant leur vie. Alors, s'est-il vraiment compromis? Et jusqu'où? Kastner, pour sa défense, a toujours déclaré qu'il avait agi en parfait accord avec les chefs de l'agence juive qui seront bientôt les dirigeants du nouvel État hébreu, même quand il a permis à certains criminels nazis d'échapper au châtiment. Monsieur X l'a laissé entendre dans la première partie de cet entretien. Kastner protégeait peut-être ainsi quelques secrets inavouables, mais il l'a payé de sa vie. Les accusations contre Rudolf Kastner, devenu après la guerre Israël Kastner, ont commencé très tôt, avant même la création de l'État hébreu. En 1946, lors du deuxième congrès sioniste à Bâle, un membre d'une organisation sioniste religieuse d'Europe de l'Est en Autriche prétend qu'il a volé 500 000 dollars affectés au sauvetage des Juifs. Aussitôt, Kastner riposte au diffamateur devant le tribunal d'honneur du Congrès. Et l'accusation tombe d'elle-même. Il n'y avait donc rien. Non. La meilleure preuve, c'est que lorsque Kastner et sa famille arriveront en Palestine en 1947, ils seront sans le sou, en tout cas. Le journaliste, sans doute pour prévenir ce genre d'attaque, a cru bon d'écrire un rapport très précis où il a relaté son travail de sauvetage des Juifs en Hongrie. Pourtant, en 1948, ça ne l'a pas empêché d'être pris à partie à plusieurs reprises par un ancien habitant de Cluj, sa ville natale, lors des réunions électorales de la communauté hongroise en Israël. Et quels sont exactement les reproches qui lui ont été alors adressés? Essentiellement d'avoir choisi ceux qu'il a fait monter dans le train qui devait les conduire vers la liberté. C'est 1600 et quelques Juifs qui, grâce à lui, ont échappé à la mort. Et parmi ces Juifs qui n'ont pas été conduits à Auschwitz, il y avait des membres de sa famille. Comment peut-on le lui reprocher? Aurait-il dû laisser les siens aller à la mort? Après tout, qui avait pris le risque insensé d'aller négocier avec Eichmann et de lui proposer de l'argent ou des marchandises contre la vie de ces Juifs? C'est par ailleurs méconnaître les terribles cas de conscience qui ont été les siens. Ouais, au moment de choisir qui devait vivre. Oui, au reste, il n'a pas été le seul à opérer ce terrible choix. Ouais. Au fond, ce dont on l'accuse, c'est d'avoir agi. En quelque sorte, oui. Et je vous rappelle, car nous en avons parlé précédemment, que Kastner a joué aussi un rôle éminent dans le sauvetage d'une vingtaine de milliers de Juifs hongrois qui ont été transférés en Autriche. Et puis, il y a eu aussi son action dans les dernières semaines de la guerre, lorsqu'il a fait une tournée des camps pour inciter les responsables SS à se rendre sans combattre et surtout à épargner aux déportés ces effroyables marches de la mort au cours desquelles tant d'entre eux ont péri. Oui, mais il était alors accompagné par un officier nazi. Kurt Becher, oui, un criminel de guerre qui a tourné casaque au bon moment. Mais on va reparler de cet individu. En tout cas, en 1950, après que la Knesset eut entériné la loi sur les nazis et leurs collaborateurs, Kassner a été interrogé par la police israélienne sur ses activités pendant la guerre, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Alors même, bien sûr, qu'il a reconnu avoir négocié avec les nazis afin de sauver des milliers de juifs hongrois. Ouais. Donc il est en Israël, que fait-il ? Ben, je vous l'ai dit, il est arrivé complètement démuni. Par conséquent, il exerce plusieurs métiers. Journaliste, dans une feuille rédigée en hongrois. Il est aussi animateur dans une radio, mais surtout... Il est très actif en politique, membre du parti de gauche, Mapai. Le parti de Ben-Gurion. Oui, qui est le pouvoir depuis la création d'Israël. Le Mapai, c'est aussi l'héritier direct de l'agence juive. Militant travailliste, donc, Kassner aspire à entrer un jour au Parlement. Il a déjà été deux fois candidat à la députation. En 1952, il gravit un échelon en devenant porte-parole du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et c'est par conséquent déjà un cadre du Mapai. Et une personnalité influente du parti, oui. Kassner, je vous l'ai déjà dit, c'est un intellectuel brillant. Ouais, promis un bel avenir. Incontestablement. Hein. Mais toujours en 1952, nouvelle attaque. Mais de la part de qui cette fois ? Son accusateur est un vieil homme, un peu timbré, si vous me pardonnez l'expression. Juif orthodoxe, toujours couvert d'une kippa noire. Malkiel Grunewald est originaire de l'ancien empire austro-hongrois. Et il a perdu une partie de sa famille dans les camps d'extermination. En Palestine, Grunewald a appartenu à l'organisation terroriste Irgun. Et qui a lutté avec des armes contre le mandataire britannique. Et qui a perpétré de nombreux attentats meurtriers contre l'armée de Londres. Politiquement, les membres de l'Irgun se situaient plutôt à l'extrême droite. C'est exact. Et pour la plupart, ils ont rejoint le parti sioniste de droite, le Herut. Fondé par Menahem Begin. Ouais, autre terroriste. Hein. Ce sont donc des adversaires de Ben-Gurion. Grunewald rédige une feuille de chou où il se fait fort de dénoncer des scandales oubliés, de vieilles affaires concernant les communautés juives d'Europe centrale. Et c'est dans cette mesure qu'on s'accorde généralement à le juger un peu toqué. Mais en 1952, ce vieux fou s'attaque personnellement à Kassner. Qu'il accuse d'avoir collaboré avec les nazis et d'être par conséquent complice de l'extermination et de la spoliation de ses coreligionnaires hongrois. Mais, étant donné la personnalité là, de ce Grunewald, accorde-t-on de l'importance à cette dénonciation ? Non, et Kassner le premier n'est nullement préoccupé. Mais Grunewald insiste, et les amis politiques de Kassner sentent le danger. Le journaliste, membre important du Mapai, doit se défendre et contre-attaquer. C'est-à-dire porter plainte pour diffamation ? Oui. Kassner, autant le dire tout de suite, n'est pas très enthousiaste. Mais le Mapai lui force la main. Il va de la réputation du parti et de son honneur, puisque Kassner occupe un poste officiel dans le gouvernement. Il est donc contraint de saisir la justice. Oui, a remarqué quand même que si Kassner est allé au procès à reculons, il change bientôt d'attitude. N'a-t-il pas là, enfin, l'occasion de montrer à ses concitoyens qu'il a agi en héros ? Et vous avez dit la semaine passée que Kassner avait une haute idée de lui-même. Et il brûlait de l'envie d'être enfin reconnu. En tout cas, le procès commence au début de 1954 dans une salle de tribunal quasi vide. Oui, parce que personne ne s'intéresse vraiment aux vaticinations de Grunewald. C'est à peu près ça, oui. Et en face du vieux fou, Kassner apparaît au contraire comme un homme solide et raisonnable qui parle avec conviction des opérations de sauvetage auxquelles il s'est livré en Hongrie. C'est même tellement évident que le juge Benjamin Levy suggère à Grunewald de se rétracter purement et simplement. Oui, afin que Kassner retire sa plainte. Mais l'autre ne l'entend pas ainsi. Il refuse l'acte de contrition qu'on lui propose et bientôt il va bénéficier de deux alliés de poids. Le procès change soudain de nature. C'est désormais Kassner qui se retrouve sur le banc des accusés. Monsieur X a évoqué la loi israélienne sur les nazis et leurs collaborateurs. Mais si j'en juge d'après le livre de Tom Segev, le 7e million consacré à la Shoah et à ses répercussions en Israël, les autorités de l'État hébreu ne se sont guère précipitées. Peut-être parce que les principaux dirigeants ne venait pas d'Europe, mais appartenait au Yishuv, c'est-à-dire à la communauté juive de Palestine. Extrait. En août 1949, le ministère de la Justice émit un décret contre les criminels de guerre, mais ne hâta pas sa mise en vigueur. À l'instar de l'agence juive, le ministère préférait éviter ce sujet délicat. Le député Mordecai Nourok présenta la question à la Knesset et le ministre de la Justice, Pinhas Rosen, assura que son ministère y travaillait, mais que cela exigeait du temps. 6 mois passèrent. L'État d'Israël est le seul pays au monde où on ne peut pas faire passer en jugement les assassins nazis et ceux qui les ont aidés, se plaignit Nourok. Si Göring et Goebbels se trouvaient parmi nous aujourd'hui, le bras de la justice ne les atteindrait pas. 4 mois plus tard, la loi sur les nazis et les collaborateurs des nazis fut enfin examinée. L'agrément de la Knesset ne fut obtenu que 5 mois après. Qui vient donc soutenir le vieux Groenewald ? Le premier est son avocat, Shmuel Tamir, un talentueux représentant de la droite nationaliste et lui aussi ancien terroriste de l'Irgun. Pour lui, il est clair qu'à travers Kastner, c'est le gouvernement travailliste qu'il veut mettre en cause et, si possible, abattre, sans pour autant oublier de se bâtir une stature médiatique nationale. Et pour bien comprendre, il faut revenir aux années de guerre précédant la création d'Israël. Expliquez-moi. Ben-Gourion et les dirigeants de l'agence juive considéraient que les Britanniques étaient de précieux alliés dans la lutte contre le nazisme. Au contraire, les sionistes de droite privilégiaient le combat contre le colonialisme de Londres. Londres qui, en outre, était accusé de limiter l'immigration des Juifs européens en Palestine. Ouais. Alors pour ces gens de droite, là, Ben-Gourion et les siens étaient donc complices des Britanniques. Et l'on retrouve là la méfiance, sinon l'hostilité, entre les Sabras, les Juifs nés en Palestine, et ceux de l'exil. Quoi qu'il en soit, Kastner va trouver en Tamir un rude adversaire. Ouais, mais il n'y a pas être deux hommes, alors le deuxième. C'est un personnage dont vous avez forcément entendu parler, Uri Avneri. Oui, c'est l'intellectuel de gauche. Et même gauchiste, ouais. Qui épousera aussi courageusement la cause des Palestiniens. Et de la paix. En effet. Ouais. Avneri, au moment du procès, est rédacteur en chef d'un hebdomadaire qui mêle assez curieusement ce qu'on appelle aujourd'hui les pipoleries et des informations très sérieuses. Et souvent très critique pour les puissants en place. Il mène en particulier une lutte incessante contre la corruption. Et il rejoint alors cet avocat d'extrême droite en ce combat douteux. Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Mais et pourquoi alors ? Comme Tamir, il veut renverser le Mapai, qu'il accuse de confisquer le pouvoir depuis la création d'Israël. Donc pour lui aussi, pour Avneri, là, le procès sert de prétexte. Exactement. D'ailleurs, il avouera plus tard que lorsqu'il engage son journal contre Kastner, il ne sait pas vraiment qui est ce dernier. Ça me semble un peu léger, ça. Vous avez raison. Et ce qui a fait sans doute bondir Avneri, c'est que Kastner, membre du Mapai, a négocié autrefois avec Eichmann et qu'on l'a vu au quartier général de la Gestapo. On va donc assister à un véritable renversement du procès. Kastner, le plaignant, se retrouve peu à peu en position d'accusé, même s'il ne l'est pas officiellement. Oui, le seul accusé qui demeure, c'est Groenewald. Évidemment. Ouais. Mais à partir de là, la presse qui s'intéressait assez peu à cette affaire se passionne, parce que le journal du Rue Avneri ne cesse de consacrer des unes au déroulement du procès. Et pour bien comprendre, c'est au fond la première fois en Israël que la question de l'Holocauste arrive en pleine actualité. Mais il y a quand même tous ces rescapés des camps qui étaient arrivés en Israël. Certes, mais ceux-ci se taisaient. Ah, le complexe de la victime. En quelque sorte. Car parfois, même si ça n'était pas exprimé aussi clairement, les Sabras, les Juifs de Palestine, se demandaient pourquoi leurs coreligionnaires européens avaient subi le sacrifice sans résister. Il y a quand même eu la révolte du ghetto de Varsovie. Hein. Bon, vous avez raison, mais ça a été une exception, alors passons. Le procès va s'éterniser. Il durera 1 an et demi. Enfin, n'allons pas trop vite. Et ici, il faut d'emblée dire qu'Israël Kastner va commettre une grave erreur. Quoi ? Un mensonge. L'avocat de Groenewald, Tamir, a eu vent des contacts que Kastner a noués autrefois avec ce Becher dont je vous parlais tout à l'heure. Kurt Becher, je vous le rappelle, c'était le rival d'Adolf Eichmann à Budapest. Lui, il était pour les SS chargé des affaires économiques. Et c'était un proche de Himmler. Himmler, qui savait que la guerre était perdue et a caressé le rêve de conclure une paix séparée avec les anglo-saxons. Ouais, grâce en particulier à cet hallucinant marchandage, là, des camions contre des vies juives. Quant à son fidèle Becher, lui, il pensait surtout à s'enrichir. Ouais, c'est-à-dire en vendant les juifs à Kassner et ses amis du comité de secours. Et bien sûr, en spoliant ces mêmes juifs hongrois. Mais au nom de la SS, il a aussi mis en coupe réglée l'économie hongroise. Et là, je crois qu'on est au cœur du secret qui entoure l'affaire Kassner. Bon, enfin, un petit peu de patience. En tout cas, objectivement, même si leur procédé était répugnant, Becher et quelques-uns de ses affidés ont objectivement permis à des juifs d'échapper à la mort qui leur était promise à Auschwitz. Ouais, comme les centaines de milliers de juifs hongrois qui ont été envoyés. Alors ce mensonge de Kassner... Au cours de l'une des audiences, Tamir demande au journaliste s'il a jamais témoigné en faveur de Becher lors des procédures de dénazification. Ouais, réponse de Kassner ? Bolligny, avec la plus grande fermeté. Mais le lendemain, l'avocat brandit un document. Une lettre de Kassner adressée au ministère israélien des Finances. Et dans cette correspondance, le journaliste affirme que Becher a été libéré grâce à son intervention. Ouais, ça, c'est embarrassant. Hein. Et déjà, Kassner apparaît comme un homme qui a quelque chose à cacher. Mais ce n'est pas fini, car Tamir n'est pas décidé à lâcher son os. Et quelques mois plus tard, c'est le coup de théâtre. L'avocat de Grunwald a déniché dans un dossier de l'armée américaine une déposition sous serment de Kassner en faveur de Becher, ce qu'on appelle un affidavit. Kassner ne peut plus nier. C'est évident. Il est bien obligé de reconnaître les faits. Oui, d'accord, mais comment se justifie-t-il ? Troublé, sur la défensive, Israël explique qu'il a fait cette déposition en accord avec la gente juive et les délégués du Congrès juif mondial, Tamir jubile. Ouais. Pour quelle raison alors ? Ce procès, je vous l'ai dit, ne représente à ses yeux qu'un levier pour mettre en cause le Mapai et son chef, Ben Gourion. Et la révélation de l'affidavit signée par Kassner lui offre tout cela sur un plateau. Il a désormais la preuve que les dirigeants de la gauche sioniste ont permis à des nazis d'échapper à la justice. S'y ajoutent d'autres accusations contre Kassner, plus échevelées les unes que les autres. Par exemple ? Pourquoi le journaliste n'a-t-il pas averti les juifs hongrois du sort qui les attendait ? Pourquoi ne les a-t-il pas incités à se révolter plutôt que d'essayer de soustraire une poignée d'entre eux à la barbarie des nazis ? Et enfin, en agissant ainsi, n'a-t-il pas permis à Eichmann d'avoir les mains libres pour déporter les juifs sans que ceux-ci résistent ? Je ne connais pas le dossier aussi bien que vous, mais enfin, tout ça me semble assez déraisonnable. D'accord, mais à chaque fois, Tamir fait néanmoins mouche. Et le juge, d'abord favorable à Kassner, finit par être ébranlé. D'autant que l'avocat évoque maintenant l'existence d'un prétendu trésor. Des valises pleines d'objets de valeur, bijoux et pièces d'or collectées auprès des Juifs. Kassner et son complice Becher n'auraient-ils pas mis la main sur ces valises ? Et une partie de ce trésor, destinée à sauver des Juifs, n'aurait-elle pas servi à alimenter les caisses du Mapai ? Et ces allégations-là, sont-elles plausibles ? Non, mais je pense que sans le savoir, Tamir a approché une toute petite partie de la vérité. Ah oui, un secret là que vous m'annonciez. Oui, bon, on va bientôt y venir. J'espère. Mais demeurons dans l'enceinte de cette petite salle de tribunal où le juge à Lévis se montre de moins en moins clément pour le plaignant Kassner. Oui, le plaignant qui fait maintenant figure d'accusé. Et que Tamir ne cesse d'attaquer sous un faux d'accusation ignominieuse, même si à travers lui c'est Ben Gourion et le gouvernement travailliste qu'il vise. Kassner est, par exemple, accusé d'avoir trahi les parachutistes juifs envoyés en Hongrie pour venir au secours des juifs. De même, il aurait joué un rôle dans le sabotage de la mission Brand. Oui, il faut le rappeler, c'est ce troc-là proposé aux nazis des camions contre les juifs. Hein. Un sabotage organisé par l'agence juive qui ne se préoccupait nullement du sort des juifs hongrois, mais ne pensait qu'à s'assurer la bienveillance des Britanniques pour édifier cet état hébreu dont ils allaient prendre exclusivement les rênes. Ouais, en écartant ceux qui avaient lutté les armes à la main contre le colonisateur britannique. Ouais, hein. Toujours le même leitmotiv repris inlassablement par la droite sioniste. Ouais. Mais pour revenir à Kassner, là, n'aurait-il pas pu produire le témoignage des juifs qu'il avait sauvés ? En les faisant monter dans son train ? Eh bien, pour Kassner, ça a été une cruelle désillusion. Quelques-uns de ses survivants ont purement et simplement refusé de témoigner. Et un rabbin ultra-orthodoxe a même déclaré « Ce n'est pas Kassner qui m'a sauvé, mais Dieu ». Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Au cours de ce procès intenté à son diffamateur Gruenwald, il apparaît incontestablement que Kastner, dès qu'il s'est retrouvé dans la posture de l'accusé, s'est très mal défendu. La preuve dans ces quelques lignes que j'ai trouvées dans le livre de l'historien israélien Yehuda Boer, « Juifs à vendre ». À la grande question qui fut posée à Kastner en 1954, « Pourquoi n'avez-vous pas averti les Juifs ?» Il y avait donc, et il y a, deux réponses. La première est que la plupart des Juifs étaient déjà informés. La seconde, que c'est une mauvaise question, car les militants de Hongrie firent tout leur possible pour les avertir en vain. Les gens ne voulaient pas entendre, mais Kastner, inexplicablement, ne dit rien de tel en 1954. Le tribunal rend son verdict en juin 1955, soit un an et demi après le début du procès. Ben c'est une sorte de record pour ce qui ne devait être qu'un procès pour diffamation. Mais hein, qui a pris rapidement une ampleur considérable et nationale. Songez que le juge Halevi a dû consacrer 24 heures à lire les dizaines de pages de ses conclusions. Et le verdict alors ? C'est une douche froide pour le plaignant, Kastner. Trois des quatre allégations de Gruenwald sont déclarées avérées. Non diffamatoire, donc. Le tribunal estime, par exemple, que Kastner, qui a favorisé une poignée d'amis et de proches, a en quelque sorte contribué à aider la machine de mort des nazis en se gardant d'informer les juifs hongrois du sort qui allait leur être réservé. Mais d'après tout ce que vous avez dit, là, c'est parfaitement mensonger. Ah certes, mais c'est le jugement du tribunal. Autre point accablant pour Kastner. Le juge affirme que Kastner a permis que le criminel Becher échappe au châtiment. Ça, c'est moins contestable. Seul point positif, si j'ose dire, Kastner n'a pas volé ses prétendues valises pleines d'or et de bijoux extorqués aux Juifs. Maigre consolation. Oui, parce que si Gruenwald n'écope que d'une amende symbolique, Kastner lui est voué aux gémonies par la presse israélienne qui publie sa photo avec cette légende infamante, l'associé d'Eichmann. Ouais. La presse est unanime ? Non, le quotidien de gauche à Arrests prend quand même la défense de Kastner, dénonce les à peu près du jugement, souligne que le journaliste a toujours agi en accord avec l'agence juive et prophétise, enfin je cite de mémoire, « Les répercussions de l'affaire Kastner continueront à empoisonner l'air que nous respirons. Israël n'est plus le même après ce verdict. » J'ai l'impression, enfin, puisque vous n'en avez même pas parlé, que les amis politiques de Kastner ne se sont pas précipités pour le soutenir. Ah, vous avez raison. Et pourtant Kastner, lui, tout au long du procès, a veillé à être d'une parfaite loyauté vis-à-vis du Mapai et de Ben-Gourion. Alors pourquoi ce qui ressemble à un lâchage ? La fin du procès a coïncidé avec une campagne électorale. Et Ben-Gourion a pris soin d'éviter d'afficher sa solidarité avec Kastner. Interrogé, il a même déclaré qu'il ne savait pas grand-chose de cette affaire. Alors qu'il était au fond le chef de Kastner, hein, en tant que dirigeant de l'agence juive. Ah bon, je ne veux pas l'excuser, mais Ben-Gourion a compris très vite qu'à travers Kastner, c'était lui que la droite attaquait, en l'accusant de ne pas avoir tout fait pour sauver les juifs européens. Ouais. Donc, pour ne pas perdre les élections, au fond, il a sacrifié Israël Kastner. Ah, c'est malheureusement exact, car il lui était aussi impossible de dire la vérité. Alors, toujours ce secret là que vous tardez à me révéler ? Oui. Alors, Ben-Gourion a quand même réussi à gagner les élections législatives et son parti, notoirement affaibli, est resté au pouvoir. Mais le Mapai ne serait plus jamais le maître absolu de la politique israélienne. Alors, la suite, Kastner fait appel du jugement. Mais il est de plus en plus seul. À l'école, ses enfants sont insultés, mis en quarantaine. Des amis de Kastner lui conseillent même de quitter le pays. Mais il refuse. Mais pourquoi partir ? Parce que sa situation est de plus en plus insoutenable et que ses proches et sa famille craignent pour sa vie. Détail révélateur. Son frère demande à Ben-Gourion de venir témoigner lors des débats du procès en appel. Mais le premier ministre israélien s'abstient. Autre information importante. Uri Avneri, qui regrette peut-être d'avoir hurlé avec les loups, lui ouvre les colonnes de son journal. Quoi, pour qu'il se justifie ? Oui, mais Kastner refuse. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas tout dire ? C'est probable. Et puis, se battant est sans doute aussi moralement épuisé. Alors arrive cette nuit tragique de mars 1957, au moment où il rentre chez lui, Kassner est abattu. 24 heures plus tard, le meurtrier et son complice sont arrêtés. Eckstein, l'homme qui a tiré, est un extrémiste qui, dit-il, a été envoyé par Dieu pour sauver Israël. Ouais, un fanatique. Certainement. Ouais. Mais pas un fou. Je vais vite, car l'heure tourne. On apprendra plus tard que ce Zev Eckstein appartient à une organisation terroriste et clandestine largement infiltrée par le Shin Bet. Ouais, le service de sécurité intérieure. Oui, enfin, l'équivalent de Feu Notre DST, si vous voulez. Et d'ailleurs, Eckstein a sans doute été lui-même un correspondant du Shin Bet. Ouais, infiltré sur ordre. On peut le penser. Mm-hmm. Alors, en assassinant Kassner, aurait-il pu avoir été manipulé par ce Shin Bet? Il n'existe pas de preuves, mais on ne peut écarter le soupçon. Mm. Kassner éliminé pour l'empêcher de parler? Pourquoi pas? Et à l'appui de cette thèse, il faut apporter deux informations. D'abord, il y a l'étonnante clémence de la justice à l'égard d'Eckstein. Condamné à la prison à perpétuité, il a bénéficié de conditions de détention particulièrement douces. Et il a été gracié 5 ans seulement après avoir tué Kassner. Ouais, c'est peu cher payé. Hein. D'autre part, Eckstein, toujours lui, a fait une étonnante révélation assez récemment, à l'occasion du tournage d'un film sur Kassner. Il a déclaré qu'il avait tiré à 2 reprises sur le journaliste, sans l'atteindre. Puis, tout de suite après, il y a eu un autre coup de feu. Et Kassner a crié. Un second tueur. Oui, mais ouais. Qui? Un autre extrémiste ou un agent du Shin Bet présent pour achever le travail? Alors, on en vient au cœur de l'affaire, là. Pourquoi avoir tenté de faire taire Kassner? Ce secret, là, que vous me promettez de me révéler? Oui. Kassner, s'il a protégé Becher et d'autres officiers de l'ASS, l'a fait sur ordre. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que l'agence juive, dont la préoccupation essentielle était l'édification d'un État hébreu en Palestine, voulait récupérer le maximum des biens juifs confisqués par les nazis. Quitte à négocier avec ceux-ci. Et en particulier avec Becher, oui. Et ici, il faut noter que cet officier nazi, chargé des affaires économiques, je vous le rappelle, avait mis la main sur l'une des principales sociétés hongroises, Weiss, un trust appartenant à une famille juive qui possédait d'importantes usines qui fabriquaient des matériels stratégiques. Et aussi, point important, des armes. Ça ne pouvait pas ne pas intéresser les responsables de l'agence juive. Dans la perspective de la future guerre contre les Arabes? Et Kassner savait? Bien évidemment. Et il a même été partie prenante de la négociation avec Becher. Mais dans le nouvel État hébreu qui avait accueilli les survivants de la Shoah, pouvait-on faire un tel aveu? Israël Kassner a été innocenté par la Cour suprême d'Israël dès 1958. Mais 30 ans plus tard, sa famille s'est vue refuser de donner son nom à une rue d'une cité israélienne. Et ce n'est qu'en 2007 que le mémorial de Yad Vashem a accepté d'exposer un panneau rendant hommage aux activités de Kassner pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je vous rappelle qu'une cinéaste américaine, Gaylen Ross, a réalisé un très beau film sur Kassner où son assassin, Eckstein, est longuement interviewé. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous sur franceinter.fr ou directement à mon adresse mail patrick.peno@radiofrance.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission réalisée par Michel Biou et mise en musique, quelques petites notes, par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.